être à ma place, qui saurait comment faire face à ce rôle qui me fait peur. Je vous laisse juger complice, vous en laisse le bénéfice pour jouer. Pas la peine de me chercher, non pas la peine de me proposer à vos rêves m'attacher. Je suis fait pour rien faire, mais surtout faut bien le faire. Pas envie de me lever, non je n'ai pas envie de m'encombrer, ni d'avis à donner. Je suis fait pour la fête, pas pour la prise de tête, non. Je suis comme je veux.